بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، chers frères et chers sœurs en Allah Azza wa Jal, auditeurs et auditrices de la radio Mirat al-Anbiya, bienvenue sur votre radio pour cette sixième rencontre autour des écrits de Cheikh Rabi, Hafidahullah Ta'ala, des écrits extraits des livres de Cheikh Rabi, Hafidahullah, les fondements et les particularités des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Et combien nous avons besoin de nous rappeler, de se rappeler ces fondements et ces particularités. Parce que malheureusement, beaucoup de certains de nos frères, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de sa sainte miséricorde, tombent dans les girons, soit des mumayya, soit des mukhadzila. Soit ils faiblissent leurs frères qui tiennent à la voie, ils essaient par tous les moyens de les faire faiblir, soit ils tombent complètement dans le laxisme, et ils fondent dans les idées de ces tendances qui existent sur le terrain, ou soit ils vont aux extrêmes carrément, ils deviennent des haddadi ou des hajori ou autres. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. D'où la nécessité de se faire ce genre de rappel et de se rappeler les fondements et les particularités des gens de la Sunna et de les mettre en application après pour rester ferme dans la voie de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et donc, ici parmi la particularité des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna qui vont être traités aujourd'hui, c'est que les gens de la Sunna, les gens du Hadith, les Salafis, quand ils argumentent, ils ne font pas la différence entre le hadith ahad et le mutawatir. C'est-à-dire le hadith ahad, nous avons vu que c'est le hadith qui est considéré par ces tendances égarées, qui est considéré avec une divergence entre les hommes de science du hadith, le hadith qui n'a pas été transmis par plus de 10 personnes à chaque étape de la chaîne de transmission. Le mutawatir, c'est celui qui dépasse tout cela. Il dépasse les 10 personnes à chaque chaîne de transmission. Il peut y avoir plus que 10, il peut y avoir une vingtaine, il peut y avoir, Et ça, et les gens de la Sunna, les gens de l'innovation, le hadith ahad, ils ne le prennent pas en considération. Pour eux, ce ne sont que des suppositions. Et surtout dans le domaine de l'invisible, et ceci est très dangereux. Quant aux salafis, aux gens de la Sunna et aux gens du hadith, tout ce qui est authentique, la condition elle est là, tout ce qui est authentique du prophète alayhi salam, qu'il soit ahad ou mutawatir, pour eux c'est une science, hein, et hein, ils le mettent en application. Cela prouve l'importance qu'ils donnent à la sunna et comment ils s'occupent de la sunna, comment ils préservent la sunna, comment ils la défendent. Et comment ils l'utilisent comme argumentation du moment qu'il est authentique, qu'il soit ahad ou autre. Hein, contrairement aux mu'tazilites, à l'école de la raison d'aujourd'hui, aussi, il y a toutes ces tendances qui existent maintenant. Hein, et vous avez des gens maintenant qui portent l'étendard du fait de mettre de côté, hein, le hadith ahad comme Aboul Fitan, Aboul Hassan al-Ma'ribi Hada, hein, et il est défendu par Ali Hassan et par toute cette école, hein, de divion de Jordanie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc, comme je disais, les particularités, fait partie des particularités des gens de la Sunna et des Salafis, hein, et c'est une particularité qui les différencie de tous les gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion, c'est le fait d'estimer la Sunna comme il se doit, de lui donner l'importance, de s'en occuper, de la préserver et de la défendre. Et ça, c'est l'une des grandes qualités des salafis depuis l'aube de l'islam jusqu'à nos jours. Et nous l'avons vu avec les nobles compagnons d'Allah, les exemples qui sont passés avec nous. Et leurs successeurs et ceux qui leur ont suivi, les ont succédés jusqu'à la fin des temps. Et dans ce sens-là, Cheikh Rabi, Hafidahullah, il dit, الحمد لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة والحكمة هي السنة النبوية المطهرة وشرف هذا الرسول العظيم بأن أسند إليه بيان هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Et donc dans ce sens-là, Cheikh Rabi' il dit, حفظه الله, louange à Allah qui a envoyé, qui nous a envoyé un messager qui fait partie de nous pour nous réciter les versets d'Allah, pour nous purifier, pour nous apprendre le livre et la hikmah. La hikmah ici des cheikhs, Hafidhahullah, c'est la pure sunna prophétique. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré son noble messager alayhi salatu salam, puisqu'il lui a donné la fonction de donner des éclaircissements sur le noble Coran. Ce noble Coran dans lequel le faux ne peut pas s'immiscer. Impossible que le faux puisse s'immiscer dans le Coran. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait la responsabilité et la fonction d'en faire les éclaircissements, donner les éclaircissements. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Et il l'a fait comme il se doit. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هذا القرآن بيانا شافيا بأقواله وأفعاله وتقريراته يفصل مجملات هذا القرآن العظيم ويخصص عموماته ويقيد مطلقاته. Et ce message عليه الصلاة والسلام a accompli le grand éclaircissement qui a assouvi la soif et la connaissance de tout un chacun. Et de tout un chacun qui cherche la vérité, bien sûr. Et donc, il en a, alayhi salatu salam, donné un grand éclaircissement avec ses paroles, avec ses actes, avec ses confirmations. Alayhi salatu salam, il a détaillé le général du Coran. Et il a aussi fait des particularités dans le général du Coran. Et il a conditionné les sujets qui sont exprimés d'une façon large. Il les a conditionnés. Hein? Donc, il s'est occupé, alayhi salatu salam, à détailler ce qui est général. Et à faire des particularités dans le général. Et à conditionner, hein, ce qui a besoin d'être conditionnés parmi les sens larges du terme qui sont dans le Coran. Tout ceci, il l'a fait alayhi salatu wassalam comme il se doit. وتعهد الله بحفظ هذا الذكر الحكيم القرآن العظيم والله عز وجل لا يخلف وعده ومن أصدق من الله قيلا الله سبحانه وتعالى s'est chargé lui-même عز وجل de protéger cette le dhikr qui est la révélation et la sunna fait partie de cette révélation. La sunna du messager alayhi salam qui est la hikma annoncée dans beaucoup de versets est protégée aussi, il fait partie de la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus véridique dans la parole subhanahu wa ta'ala. Wa min jumlati hadha adh-dhikr wa huwa al-wahy hadhihi as-sunna wa hadhihi al-hikma ala wa hiya sunnat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fala yatimmu hadha al-hifdh alladhi wa'ada Allah bihi إلا بحفظ السنة المطهرة كيف لا وهي من جملة الذكر الذي وعد الله بحفظه et fait partie du dhikr qui est la révélation on fait partie la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام la hikma c'est la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et c'est une révélation et la protection qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la révélation et qu'il a promis de faire et qu'il a fait subhanahu wa ta'ala ne peut être accompli qu'avec la protection de la pure sunna. Parce que la sunna fait partie de la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis de protéger et de préserver. Donc, partant de là, on voit que la sunna aussi est préservée comme le Coran. Et protégée comme le Coran. يقول حفظه الله فهيأ الله هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس وعلى رأسها صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ثم التابعون لهم بإحسان فحفظوا في صدورهم ألفاظ السنة ومعانيها ودانوا بها عقيدة وعملا لا يفرقون بينها وبين القرآن لا في عقيدة ولا في أحكام وعمل وتلاهم من سار على نهجهم من أهل الحديث والسنة فأكبوا على حفظها وتلقيها من علمائها وحفاظها سماعا ومجالسة وملازمة ثم قاموا بالرحلات الطويلة الشاقة إلى مختلف البلدان والأقطار فيرحل أحد من أقصى المشرق الإسلامي إلى أقصى مغربه والعكس ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب والعكس حتى إن أحدهم ليرحل الشهر والليالي والأيام من أجل حديث واحد لأن حب هذه السنة المطهرة واحترامها ومكانتها العظيمة احتلت سويداء قلوبهم واستولت ونعم الاستيلاء واستولت على مشاعرهم فهانت عليهم في سبيلها المشاق فسطروها في الصحائف كما سطروها في سويداء القلوب il dit habidahullah Allah subhanahu wa ta'ala a préparé dans cette communauté qui est la meilleure des communautés que Allah subhanahu wa ta'ala fait exister pour les gens. Il a préparé cette communauté. Et à la tête de cette communauté, les compagnons de Muhammad alayhi salam, et puis leurs successeurs qui les ont suivis à la perfection, qui ont mémorisé dans leur cœur les expressions de la sunna et ses significations, et qui ont pris cette sunna comme religion, dans leurs croyances, dans leurs œuvres, ils ne faisaient pas la différence entre le Coran et la sunna. Ils les mettaient toujours en application. Et pour eux, ils étaient à pied d'égalité au niveau de l'argumentation, au niveau du fait de mettre en application ce qu'il faut mettre en application et de s'abstenir de ce que, des choses duquel il faut s'abstenir. C'était à pied d'égalité. Ils les mettaient à pied d'égalité avec le Coran, que ce soit au niveau des croyances, au niveau des lois, au niveau des œuvres. Ils les a suivis sur ce chemin et sur cette voie, les gens du hadith et de la sunna. Et les gens du hadith et de la sunna, ils se sont donnés, ils ont fait des efforts à mémoriser la sunna, à la préserver, à la prendre des ondes de science, à la mémoriser, à l'écouter des hommes de science, à s'asseoir et à rester en compagnie des hommes de science pour apprendre cette sunna. Et puis, ils ont accompli de longs voyages, des voyages difficiles à travers les pays, à travers les pays et les continents. Parmi eux, certains voyageaient de l'extrême est musulman jusqu'à l'extrême ouest musulman. Et le contraire aussi. Et ils voyagent, certains parmi eux ont voyagé de l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud. Pour acquérir cette sunna. À tel point que certains parmi eux voyageaient le mois, les nuits, des jours, le mois, des nuits et des jours pour un seul et unique hadith. Pourquoi tout ceci? Parce que l'amour de la sunna pure, le respect et l'estime qu'ils avaient de la sunna s'est accaparé de leur cœur, a occupé leur cœur, et quelle bonne occupation! L'amour de la sunna s'est accaparé de leurs sentiments, de leurs pensées, de leur vie. Et donc, les difficultés sont devenues faciles pour eux. Et ils ont pris sur eux à écrire cette sunna sur des manuscrits. Comme ils l'ont transcrite dans leur cœur, ils l'ont mémorisée dans leur cœur, ils l'ont aussi transcrite sur les feuilles et sur les peaux et ainsi de suite, pour qu'il nous arrive à nous. Et tout ceci, ils l'ont fait par amour de la sunna. يقول واهتموا بمعرفة رجالها ورواتها فلا يخذونها إلا من الصادقين الأمناء ولا يقبلونها من الكذابين والمتهمين والضعفاء وذلك كله وغيره تحقيقا لوعد الله بحفظ دينه وذكره. Et il dit, Habibullah Ta'ala, ils se sont occupés à connaître les hommes de la sunna et les transmetteurs de cette sunna. Ils ne prenaient cette sunna que des véridiques, des dignes de confiance. Ils n'acceptaient pas la sunna des menteurs et de ceux qui sont accusés de quelque chose. Ils ne la prennent pas des faibles non plus. Et tout ceci et beaucoup d'autres choses pour que s'accomplisse la promesse d'Allah, qui est la protection de sa religion et de sa révélation. Naam. Wa qala hafidhahullah, yanbaghi awwalan an yudrika al-uqala al-furuqa bayna ahli sunnati wa bayna al-firaq ad-dallah. Il dit hafidhahullah, il faut que ceux qui sont doués de raison comprennent et captent les différences qu'il y a entre les gens de la sunna et les gens des groupes et de l'innovation. Il faut qu'ils le comprennent. يقول فأصل أهل السنة والجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع سبيل المؤمنين المعبر عنه بالإجماع فدينهم مبني على هذه الأصول. Il dit حفظه الله, l'origine, la base et l'origine et le fondement et la fondation chez les gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, chez les salafis et les gens du hadith, c'est le fait de se cramponner au livre et à la sunna et de suivre la voie des croyants, celle qu'on désigne par le consensus ou par l'unanimité. Et donc leur religion, il est basé sur ces fondements. يقول ولهذا يجد المطلع على التاريخ أنهم هم الذين اعتنوا بالقرآن وعلومه وألفوا في ذلك كتب التفسير وأصوله وأنهم هم الذين اجتهدت عنايتهم بالسنة وألفوا فيها أنواع العلوم حتى يقال إنها بلغت 100 نوع فمنها. Il dit, c'est pour ça que celui qui lit l'histoire de cette communauté, il voit que ce sont les gens de la sunna qui se sont occupés du Coran et des sciences du Coran. Ils ont écrit des recueils de l'interprétation du Coran, des fondements de l'interprétation du Coran. Et ils voient aussi que ils ont donné une grande importance à la sunna ils ont écrit dans différentes spécialités et différentes sciences concernant la sunna, à tel point qu'on rapporte que les différentes spécialités et les différents domaines de la sunna sont au nombre de plus de 100. Ils ont écrit dans tout ça. Hein? Dans les domaines de la sunna, ils dépassent le nombre de 100, les sciences qui la concernent. يقول منها أنهم ألفوا المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. دي parmi ceux-là, c'est qu'ils ont écrit le مصنفات comme le مصنف ابن أبي شيبة المصنف عبد الرزاق. Ils ont écrit كذلك والمسانيد وهي كثيرة منها مسند أحمد وإسحاق. المسانيد aussi sont nombreux comme le مسند de l'imam Ahmed, le مسند de إسحاق. Il masanid, c'est ceux qui sont écrits par Cheikh. C'est-à-dire, par exemple, Mousnad Abi Bakr, radiyallahu anhu. Donc, tous les hadiths qui ont été rapportés par Abu Bakr sont dans ce chapitre. Mousnad Omar, tous les hadiths rapportés par différentes chaînes de Omar al-Khattab seront là. Et ainsi de suite. وكذلك الصحاح ومنها الصحيحين للبخاري ومسلم et les authentiques, il fait partie des authentiques, le Bukhari et Muslim, والسنن ومنها السنن أربع et les sunan, les livres des sunan, et fait partie de ça les quatre livres de sunan qui sont Ibn Majah, Tirmidhi, Abu Daoud, Nasa'i. Ils ont كذلك المعاجم ومنها معاجم الطبراني اي المعاجم في partie دي معاجم سيد الطبراني رحمه الله اي والجوامع والفوائد والاجزاء ils ont fait aussi des recueils ils sont les الجوامع الفوائد الاجزاء ومنها عنايتهم بعلوم الرجال ومنها كتب الجرح والتعديل وهي كثيرة جدا كما ألفوا كتبا في بيان العلل وكتبا في الأحاديث الضعيفة والموضوعة كل ذلك عناية بدينهم وحماية لهم. Il fait partie de leur occupation, c'est qu'ils se sont occupés de la science des hommes. Il fait partie de ça les livres de la réfutation et de l'éloge. Et là, il y a eu beaucoup de livres, beaucoup d'écrits. Comme ils ont écrit des livres pour montrer les ilal, qui sont les défaillances dans les chaînes de transmission, dans la transmission du hadith. Ils ont écrit des livres concernant les hadiths faibles et les hadiths inventés. Tout ceci parce qu'ils s'occupaient de leur religion. Ils s'occupaient à défendre leur religion. وقال حفظه الله ومن الأسباب الواضحة اهتمام الصحابة بتبليغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والاهتمام بالجهاد في نشرها وحافظوا على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فلم يضع منها شيء وتبعهم مراتهم بإحسان في المحافظة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظهما في الصدور والسطور إلى دي حفظه الله parmi les causes claires et apparentes comment les nobles compagnons se sont occupés, donner l'importance à transmettre le message de Mohammed alayhi salam. Comment ils ont prodigué des efforts pour propager le message de Mohammed alayhi salam. Comment ils ont préservé la sunna de leur prophète alayhi salam. Rien n'a été négligé, rien n'a été perdu. Et il les a suivis, leurs héritiers. Ils les ont suivis à la perfection. Dans le fait de préserver le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salam. Et ils ont préservé tout ça dans leur poitrine, dans leur cœur et dans les livres aussi. وقال حفظه الله وسدده وهو يرد على شبهات الضال محمد صدقي حول السنة. Il a dit Hafidahullah, en répliquant aux ambiguïtés de l'égaré Mohammed Sidqi, qui est un médecin égyptien, qui a écrit un article dans la revue Le Manar, hein, que le musulman peut suffire tout simplement du Coran. Et Cheikh Hafidhahullah, il lui a répliqué. قال حفظه الله الشبهات العشرون قول محمد صدقي لم يعتني المسلمون بحفظها أي السنة في صدورهم كما اعتنوا بحفظ القرآن الشريف فإذا كان هذا هو حال الأحاديث وما قاله المسلمون فيها وما عملوه بها فأي فائدة منها ترجون وأي ثقة بها تثقون Il dit la 20e ambiguïté La parole de Mohamed Sidqi, qui a dit que les musulmans ne se sont pas occupés à mémoriser et à préserver la sunna, ils ne se sont pas occupés à mémoriser la sunna dans leur poitrine, comme ils se sont occupés à préserver et à mémoriser le Coran. Il dit, Mohamed Sidqi dit, si c'est ça la situation des hadiths, ce qu'ont dit les musulmans concernant les hadiths et comment ils les ont mis en application, quel bien il faut s'attendre, quel bien il faut espérer de ces hadiths? Et quelle confiance on peut leur donner? Ainsi il a dit, Ayadan Billah, قال الشيخ ربيع نصره الله والجواب من وجوه أن المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة وهم يعتنون بالقرآن والسنة حفظا وعملا بهما. Et il a dit, حفظه الله الشيخ ربيع, pour répondre à cette ambiguïté, Il a dit, les musulmans, depuis l'époque du messager, alayhi salam, en général, s'occupaient du Coran et de la sunna, ils mémorisaient le Coran et la sunna, ils les mettaient tous les deux en application. وقال, فإذا كان هذا هو حال الأحاديث الشريفة عندك وعند أمثالك وأسلافك المندسين في المسلمين وحالها عند اليهود والنصارى ولا سيما المستشرقين فإن لها عند المسلمين حالا آخر مضادا لما تفتريه على السنة النبوية وعلى علمائها إن لها حالا آخر عندهم هو احترامها وإجلالها والتزامها في عقائدهم وعباداتهم وسائر شؤون حياتهم جنبا إلى جنب مع نصوص القرآن الكريم. Et il a dit pour répliquer à ce Mohamed Sidqi, si c'est ça la situation du hadith pour toi, en parlant à ce Mohamed Sidqi, si c'est ça la situation du hadith pour toi et pour tes similaires, et pour ceux qui t'ont devancé sur cette voie-là, parmi ceux qui sont rentrés au milieu des musulmans, et que c'est ça la situation de la sunna chez hein, les juifs et les chrétiens, et surtout les orientalistes parmi eux, si c'est ça la situation de la sunna pour vous, hein, il a dit dans sa réplique, alors il faut savoir que la sunna chez les musulmans, il a une autre situation, qui est complètement le contraire de ce que tu prétends et de ce que tu as émis comme mensonge sur cette noble sunna. Et il a une autre place et une autre estime chez les hommes de science de la sunna, contrairement à ce que tu as prétendu et contrairement au mensonge que tu as émis. La sunna, c'est les musulmans et c'est les hommes de science de cette communauté. Il a une grande estime. Il est respecté par eux. Ils s'y cramponnent au niveau de leurs croyances, au niveau de leurs adorations, à tous les niveaux de leur vie. Ils la mettent en application avec le Coran, l'un à côté de l'autre. ويقول وهم على هذه الحال من عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان وقد لقيت من العناية العظيمة من الحفظ لنصوصها والعمل بها والرحلات في سبيلها حتى إنه ليرحل الرجل مسافة الشهر وأكثر من أجل حديث واحد بدءا من الصحابة رضي الله عنهم وألفوا فيها وفي العلوم التي تخدمها ما تزخر به المكتبات في شرق العالم الإسلامي وغربه وأنشأوا لها المدارس إلى جانب مساجدهم التي تخرج الألوف من فحول العلماء وخاصة في السنة إلدي حفظه الله تعالى dans cette réplique. Ils étaient ainsi, ils étaient dans cette situation, c'est-à-dire à mettre le Coran à tous les niveaux, au niveau des croyances, des adorations et dans tous les aspects de la vie, à mettre le Coran et la Sunna à pied d'égalité, à les mettre en application tous les deux. depuis l'époque des nobles compagnons d'Allah alayhim, leurs successeurs et tous ceux qui les ont suivis à la perfection. Et il a dit dans sa réplique, et la sunna, hein, et les musulmans ont donné une grande importance à la sunna, pour la mémoriser ses textes, et la mettre en application. Et ils ont fait de longs voyages pour la sunna, pour la préserver, pour la défendre, et pour la mémoriser, et pour la recueillir et l'écrire. Ils ont donné une grande importance à cette sunna, à tel point que l'homme, il fait le voyage d'un mois, au plus pour un seul hadith, un mois aller, un mois retour, hein, un seul hadith, en commençant par les nobles compagnons d'Allah alayhim. Ils ont écrit concernant les sciences, qui sont au service de la sunna et au service du hadith, comme il existe, et c'est la fierté des bibliothèques et des librairies dans l'Est musulman et dans l'Ouest musulman. Ils ont fondé des écoles à côté de leurs mosquées. De ces écoles sont sorties, de ces mosquées sont sorties des milliers d'hommes de science dignes du nom, et surtout concernant la sunna. يقول فهذا حالها عند المسلمين أما عند أعدائها من الزنادقة وغلاة الرفض والباطنية وسائر أعداء السنة فحال آخر وقد تصدى لفضحهم وإهانتهم وإخزائهم علماء الإسلام والسنة على امتداد العصور بما فيهم محمد توفيق وأمثاله من أفراق الزنادقة والمستشرقين وورات الحقد على الإسلام فهذا هو ما يقوله المسلمون ويعملونه. Et il dit, Habibullah Ta'ala, ça c'est la situation des musulmans. Hein, c'est-à-dire l'estime, s'occuper de la sunna, de la défendre. Ça c'est la situation chez les musulmans. Quant aux ennemis de la sunna, qui sont zanadiqa, les hypocrites, et ceux qui sont à l'extrême dans le rafd, et le groupe isorotique, isotérique, et tous les ennemis de la sunna, leur situation est autre. Mais les hommes de science dignes de l'islam et de la sunna ont fait face à ces ennemis de la sunna. Ils les ont divulgués, ils les ont dévoilés, ils les ont combattus en toute époque. Et fait partie de cela, Muhammad Tawfiq Sidqi Hada. Et c'est similaire parmi les poussins d'Yel Zanadiqa et parmi les poussins des orientalistes et parmi tous ceux qui ont hérité la haine contre l'islam. C'est ce que disent les musulmans, et ils le font. C'est-à-dire, les musulmans disent, hein, que la sunna est à mettre en application avec le Coran, est à défendre comme le Coran, et ils la mettent en application, elle et le Coran. Qu'on déplaise aux orientalistes et aux ennemis de la sunna. ثم بين حفظه الله وعلى ذكره في سياق رده كذلك على السفيه محمد صدقي بأن عز المسلمين في التمسك بسنة نبيهم والاهتمام بها والعناية بها وتعظيمها بل لا قيمة للمسلمين بدونها وأن العناية بها من أعظم أسباب الفلاح والفوز والنجاح. إيه Havidahullah, Cheikh Rabi' nous a donné des éclaircissements. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève, hein, ses degrés dans les hautes sphères du paradis, dans le Firdaus al-A'la. Il a dit, Havidahullah, en répliquant à cet insensé de Muhammad Sidqi, il lui a dit que la gloire du musulman et l'honneur du musulman, elle est dans le fait de se cramponner à la sunna de leur prophète, de s'en occuper, de l'estimer et de la défendre. Les musulmans n'ont aucune valeur sans la sunna du messager alayhi salam. Et le fait de s'occuper de la sunna, c'est l'une des plus grandes causes pour donner la réussite. Hein? La réussite à cette communauté et aux musulmans. Faqal, يرجو المسلمون من إجلالها واحترامها والتمسك بها الفوز والفلاح في الآخرة واستقامة حياتهم في هذه الدنيا. شيخ ربيع يقول les musulmans espèrent, on estime la sunna, on lui donnant, on la respectant, on lui donnant la place qu'il mérite, et on s'y cramponnant, ils espèrent le grand gain et le bonheur et les honneurs dans ce bas monde et dans le delà. يقول فلا حياة للمسلمين فلا قيمة لحياة المسلمين بدونها ودون الاستضاءة بنورها فالحياة بدونها خسران مبين وضلال مهين وغضب من رب العالمين والله لحديث واحد منها خير من الدنيا وما عليها. إلدي حفظه الله. La vie du musulman n'a aucune valeur sans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Sans chercher les éclaircissements dans la sunna, la vie n'a aucune valeur. La vie dans ces cas-là sans la sunna est une perte claire, est un égarement rabaissant et une colère d'Allah Azza wa Jal. Hein? Il dit par Allah, un seul hadith de la sunna est mieux que ce bas monde et ce qu'il contient. يقول حفظه الله هذه بعض فوائدها وبها وبالقرآن ساد سلف هذه الأمة الدنيا وساسوها وفتحت بهما الشعوب والقلوب وذلت لهما أعناق الجبابرة والملاحدة والزنادقة وعتات اليهود والمجوس والنصارى وبضعف المسلمين في التزامها وتطبيقها نزل بهم من الذل والهوان ما نزل ولا يرفع عنهم ما نزل بهم من ذلك إلا بالعودة إليها. إلى حفظه الله. Ça, ce sont certains points à retenir de la sunna et certains fruits de la sunna et certains mérites de la sunna. Hein, certains points et mérites de la sunna et du Coran. Dit, les pieux de cette communauté sont devenus les maîtres du monde. Ils ont gouverné ce monde. Ils ont conquis les populations de ce monde, de ces pays qui existaient. Ils ont conquis les populations et leur cœur avec le Coran et la sunna. Et les tyrans se sont soumis à eux, ainsi que les athées, ainsi que Zanadika, ainsi que les pires juifs, les zoroastriens et les chrétiens, se sont soumis à eux, et se sont rabaissés devant eux, avec le Coran et la Sunna. Et, quand les musulmans sont faibles au niveau de la mise en application de la Sunna, hein, ils sont déshonorés, et ils tombent dans la faiblesse. Et il dit, ce qui est arrivé à la communauté est là comme témoin. Il ne peut être levé qu'en revenant à la sunna. Hein? Et qu'on se rappelle ce qu'a dit ce juif militaire. Hein? On ne vous laissera pas faire la da'wah qui va ramener les gens sur la voie d'Abu Bakr et de Omar. Et malheureusement, les ennemis d'Allah ont compris ceci et beaucoup de cette communauté ne l'ont pas encore compris, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert de sa sainte miséricorde. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons parmi ceux-là. يقول حفظه الله ولشدة عناية أهل السنة والجماعة السلفيين بالسنة وخدمتهم لها فقد أغناهم الله بها ولم يحوجهم إلى غيرها في جميع أمور دينهم ولم يحوجهم سبحانه أيضا إلى ما عند غيرهم من البدع والضلالات في الوقت الذي صار جميع الناس وجميع الطوائف عالة عليهم وفي أمس الحاجة والافتقار إلى ما عندهم من العلوم وهذا في الحقيقة يعد إكراما من الله تعالى لأهل السنة لأجل احتفائهم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لهما وشدة عنايتهم بها. Vu l'importance qu'ont donné les gens de la sunna et les salafis à la sunna et comment ils ont œuvré pour travailler cette sunna, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la richesse avec la sunna. Hein? Et ils n'avaient pas besoin d'autre chose que la sunna. Donc tout ce qui concerne leur religion. Ils n'avaient pas besoin de ce qu'il y a, c'est les innovateurs et c'est hein, les égarés. Et en même temps, tous ces groupes égarés dépendent et ont un grand besoin des sciences qu'ils ont, les gens de la sunna. Et ça, en réalité, ce sont des honneurs avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a comblé les gens de la sunna et de la salafia. Pourquoi? Parce qu'ils se sont occupés du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les ont estimés comme il se doit. Ils leur ont donné l'importance qui s'y est à leur place. Hein? Et t'as qu'à voir, frère Allah, Azza wa Jal. Regarde, combien d'innovateurs, quand ils montent sur le nombre, ils disent le hadith est authentifié par Sheikh Nasser Din Albani, rahmatullah alayh. Hein? Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais sinon, les exemples sont nombreux. يقول العلامة ربيع المدخلي حفظه الله مقررا لما سبق أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وهم مرجع الناس في العقيدة وفي أبواب العلم كلها فالفقهاء والمفسرون والمؤخرون والمؤرخون وسائر طوائف الأمة محتاجة أشد الحاجة إلى ما عند أهل الحديث من عقيدة وبيان الأحاديث والتفريق بين صحيحها وضعيفها ومعرفة الرجال صادقهم من كاذبهم وضعيفهم من قويهم إذ لا يجدون هذا إلا عند أهل الحديث وهم عالة عليهم رضي الله عنهم ولقد ولهذا أخبر النبي الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحق معهم وأنهم أهل النجاة بقوله لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. Et dans ce sens-là, Cheikh Rabi' il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, confirmant ce sens. Il dit, c'est-à-dire confirmant la suprématie des gens du hadith, et comme quoi tous les groupes ont besoin d'eux et de leur science. Et les gens du hadith, ce sont ce groupe victorieux, ce groupe sauvé. Hein? Et les gens reviennent vers eux. Concernant leurs croyances, il revient vers eux concernant tous les domaines de la science. Fuqaha, ainsi que les mufassirou, les interprétateurs du Coran, ainsi que les historiens, et toutes les catégories de la communauté, et tous les groupes de cette communauté, ont besoin d'un grand, ils ont un grand besoin de la science qu'ils ont, les gens du hadith. Ils ont un grand besoin de la aqidah des gens du hadith. Et ils ont un grand besoin des éclaircissements des gens du hadith concernant le hadith. Ils ont un grand besoin, hein, du discernement entre le vrai et le faux du hadith, le fort et le faible. Hein, et cette science, ce sont les gens du hadith qui l'ont. Ils ont un grand besoin de connaître les hommes véridiques et ceux et les menteurs. Les forts et les faibles. Et ceci, ils ne peuvent le trouver que chez les gens du hadith. Donc, tous, ils dépendent des gens du hadith. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, ces gens du hadith. C'est pour ça que le messager alayhi salam a dit que la vérité est avec eux. Et que c'est eux qui sont les gens qui vont être sauvés. En disant alayhi salam, restera une fraction de ma communauté accomplissant l'œuvre d'Allah, peu importe, ne leur fera aucun mal ceux qui sont de l'intérieur, qui veulent les faiblir de l'intérieur, ou ceux qui sont en divergence avec eux, aucun des deux ne leur fera du mal, jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah, et ils sont dans cette situation-là, apparent et faisant apparaître la vérité devant tout le monde, et sur tout le monde. يقول حفظه الله هذه الطائفة هي الطائفة الناجية لأنها نهضت بأعباء الإسلام عقيدة ومنهجا وعبادة وأخلاقا وبيانا وتدوينا لعلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هم عالة عليهم في التفسير فتجدهم أئمة في التفسير تجد عبد الرزاق من أئمة الحديث فسر القرآن وابن أبي حاتم من أئمة الحديث فسر القرآن وابن جرير الطبري من أئمة الحديث فسر القرآن الكريم، والإمام البغوي من أئمة الحديث وقام بتفسير القرآن التفسير المعتمد، تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة لا تجده إلا عند هؤلاء، ولا تجده عند سائر الطوائف الأخرى. Il a dit, Habibullah Ta'ala, cette fraction, c'est la fraction sauvée. C'est elle, hein, qui a accompli l'islam et qui l'a mis en avant. Que ce soit au niveau des croyances, au niveau de la voix, au niveau du comportement, au niveau des adorations, au niveau des éclaircissements, au niveau du fait d'écrire concernant les sciences de l'islam et les sciences, hein, du messager alayhi salatu wassalam. Et tout le monde dépend d'eux, que ce soit au niveau, hein, au niveau de l'interprétation du Coran, tu vois que les gens du Hadith et les gens du groupe victorieux, ce sont eux les imams de l'interprétation du Coran. Regarde, il dit, Habibullah, Abdul Razzaq fait partie des imams du Hadith. Il a expliqué le Coran. Ibn Abi Hatim fait partie des grands imams et des grands hommes de science du Hadith. Il a expliqué le Coran. Ibn Jarir Tabari est fait partie des imams du Hadith. Il a expliqué le Coran. L'imam al-Baghawi fait partie des gens du Hadith. Il a expliqué le Coran et des hommes du Hadith. Et il a fait une interprétation du Coran. Une interprétation considérée. L'interprétation du Coran avec le Coran et le Coran avec la Sunna. Il dit ceci. Tu ne le trouves que chez ceux-là, chez les gens du Hadith. Tu ne le trouveras pas dans les autres groupes, pas Baden. يقول فالعمدة في أبواب العقائد وفي صحة الأحاديث وضعفها وفي تمييز الحديث الصحيح من ضعيفه وبيان الرجال كل هذا عند أهل الحديث فحق لمن يشهد لهم أن يشهد أنهم أهل الحق وأنهم الطائفة المنصورة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit donc, leur base, la base des gens du Hadith, à tous les niveaux, au niveau des croyances, au niveau il dit, la base des musulmans concernant, que ce soit concernant les croyances, ou l'authentification des Hadith, hein, ou le fait de décerner entre le hadith authentique et le faible, et le fait de donner des éclaircissements sur la situation des gens de transmission, tout ceci, on le trouve chez les gens du hadith. Donc, il a le droit, celui qui atteste que ce sont eux, il a le droit, celui qui atteste, hein, d'attester pour eux que ce sont les gens de la vérité, et que ce sont eux le groupe sauvé, qui est cité dans le hadith du messager alayhi salatu wassalam. Donc celui qui veut attester, il a le droit d'attester pour eux. Il faut qu'il atteste pour eux comme quoi ce sont les gens de la vérité. Quand on voit que tous les groupes ont besoin d'eux et de la science qu'ils ont, et ceci ne le rejette, il ne le reconnaît pas que quelqu'un qui est malade dans son cœur. Aussi, l'une des particularités des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, c'est que pour eux, le hadith ahad, pour eux, c'est une science. Du moment qu'il est authentique, la science qu'il y a dedans, il faut la mettre en application. Contrairement au Mu'tazila et d'autres. Hein? Et cette partie-là, il a un peu longue, donc on risque d'être trop long, donc je la laisse pour la semaine prochaine, inshallah. Et aujourd'hui, on arrête là parce que c'est un sujet qui mérite d'être continu et qu'on doit. S'il est coupé, ça va amener certaines incompréhensions chez nos frères et nos sœurs, donc c'est pour cela que cette partie-là, je vais l'arrêter, je vais m'arrêter ici, et demain je l'entame pour que lui donner le temps nécessaire. Barakallahu fikum, wa ahsallahu ilaykum, on sallallahu subhanahu wa ta'ala, en demandant à Allah Azza wa Jal de par ses noms et de par ses hauts attributs, d'accorder le Firdaus al-A'la à notre cher Cheikh Rabi' et de lui donner la santé, de allonger sa vie dans son obéissance et aussi de donner la santé et de ramener notre père Cheikh Obeid vers la chaise de l'enseignement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et récompense tous les hommes de science de cette communauté et tous ceux qui sont sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse nous raffermit tous sur la voie de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhi et qu'il fasse que nous soyons dignes de cette voie et que nous soyons parmi ceux qui entendent la bonne parole et qui la mettent en application et parmi ceux qui acceptent le conseil hein. Et que Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse sortir des pays de la mécréance, vous et vos familles, sains et saufs. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous fasse sortir le plus vite possible des pays de la mécréance, hein, sains et saufs, hein, sains dans vos croyances, sains dans vos cœurs, que vous n'ayez pas d'ambiguïté, et saufs aussi, ainsi que vos familles et vos enfants. Et que Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui sont à l'origine de cette radio. Et que Allah subhanahu wa ta'ala récompense aussi nos frères techniciens qui s'occupent de cette radio. Et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que la fin de notre vie est mieux que son début. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا